7h35, nous allons ensemble ce matin vivre une expérience. On va faire un test et je vous prends tous à témoin. Okay. Écoutez bien ceci. Vous savez que le Soleil a sorti une nouvelle en fin de semaine qui a été reprise par tout le monde, dont nous, et je pense que c'était important. On y a même parlé à cette dame musulmane voilée qui a été injuriée, agressée à Place Laurier, v'là 2 semaines. Alors, tout le monde a parlé. T'es d'accord avec moi? Oui, tout le monde s'est indigné. Ben oui. Hein, une imbécile a voulu cracher dans la face d'une musulmane voilée. Elle l'a fait d'ailleurs. Coup de sacoche, insulte. Le Québec au complet. De Drainville à Marois, en passant par tous les élites de Montréal, puis nous aussi, avons dénoncé l'intolérance, le racisme de cette Québécoise-là envers la victime musulmane. Ce matin, et je vous prends témoin, je vais avoir besoin de vous autres, là. Toute la journée. On a une autre histoire, en primeur, au 93. Cette fois-ci, les rôles sont inversés. Oh. On va rejoindre notre témoin. On n'a aucune raison de douter d'elle. On y a parlé. S'il y a d'autres versions, appelez-nous, mais elle va nous faire le témoignage suivant. Et c'est une Québécoise, cette fois-ci des Québécoises, qui aurait été insultée et invectivé par des musulmans. La grande question, on s'en va l'écouter à l'instant, et je vous prends à témoin. Est-ce que les autres médias vont en parler? Est-ce que les élites vont en parler? Est-ce que Mme Marois et M. Drainville vont dénoncer? C'est-tu juste dans un sens? Quand une musulmane est victime, on le dénonce, puis j'étais de parmi ceux qui ont dénoncé, c'est inacceptable. Mais là, c'est l'inverse. Oh! Est-ce que tout le monde va se mettre à marcher sur des œufs, puis là, ben... Ou on va faire la même chose. Vous en serez peut-être témoin. Allons rejoindre Mme Carole Laflamme, qui va nous raconter ce qui s'est passé à Québec très récemment. Mme Laflamme, bon matin. Bon matin. Allons, on va d'abord situer ça dans l'espace et le temps. C'était quand et où ce qui s'est passé? Alors, c'est arrivé dimanche le 15 septembre, dans un magasin à grande surface de la ville de Québec. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Alors, moi, j'étais en train de faire des commissions et je marchais tranquillement. Il y avait une dame âgée qui marchait à quelques pas devant moi, une dame d'environ 70 ans. Et peut-être une vingtaine de pieds plus loin en avant de nous, il y avait deux musulmanes qui discutaient ensemble dans l'allée. Cette dame âgée, quand elle a croisé les musulmanes, elle avait probablement un questionnement à sa tête de par sa position corporelle. Elle a demandé à la plus jeune des deux musulmanes, parce que je dois vous dire qu'il y avait une jeune et une plus vieille, et elle a demandé à la plus jeune des deux ceci. Pourquoi, madame, portez-vous un voile sur votre tête? Là, je vous arrête 2 secondes, madame Laflamme. Est-ce que le ton était baveux? Je sais pas si vous me comprenez. Tu dis, comment ça se fait? Qu'est-ce que tu fais là de ton voile sur la tête? Ou ça vous a semblé un ton poli de quelqu'un qui s'interroge? Parce que c'est quand même pas à tous les jours qu'on voit ça, quelqu'un qui interpelle une autre personne qui connaît pas, là. Est-ce que le ton semblait agressif? Non, pas du tout, monsieur. On voyait vraiment que cette demangée-là, elle avait une interrogation. Probablement de par son âge. Les autres, ils ont connu d'autres choses que nous, on n'a pas connu, ces gens-là. Alors, elle se demandait vraiment, elle lui a demandé très poliment et candidement, madame, pourquoi portez-vous un voile? Elle l'a même vous voyez. Pourquoi okay. portez-vous un voile sur votre tête? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, la dame musulmane a répondu ceci. Je peux tout dire en nombre? Go, allez-y. Okay. Elle a dit, je me fous complètement de vous. Je n'ai pas à vous répondre. Elle a fait un doigt d'honneur à la dame âgée. La dame âgée, son dos a recourbé. Elle est venue très mal à l'aise. Moi, j'étais juste en arrière de cette dame âgée-là. Alors, c'est sûr que j'ai intervenu. Parce que ça me faisait de la peine de voir l'indignation là, de la dame âgée. Elle était vraiment pas bien. Alors, moi, j'ai intervenu. J'ai avancé d'un pas rapide vers la musulmane. Et je lui ai dit ceci. « Oh, un instant, madame. » Vous n'avez pas à répondre à cette dame de cette façon aussi irrespectueuse. Ici, c'est complètement inacceptable. Elle vous a juste posé une question de façon très polie. La dame âgée musulmane a tenu la main de la plus jeune en voulant dire « viens-t'en ». Et la plus jeune m'a répondu ceci, et c'est ça qui m'a vraiment dérangée, qui est venue me chercher dans mes tripes de femme du Québec. Elle m'a dit, elle a repris le même propos. Je me fous de vous. Vous n'êtes rien pour nous. Vous n'êtes que des chiennes, les Québécoises. Et dans une génération, vous n'aurez plus aucune importance pour nous. Elle m'a fait plusieurs doigts d'honneur et elle m'a répété quelques mots dans un dialecte là, que je n'aurais pas pu traduire. J'ai absolument rien compris par la suite. Donc, j'ai pris mon respire et je lui ai répondu ceci. Vous quittez vos pays en guerre ici pour venir demeurer au Québec. On vous accueille et vous n'avez aucun respect pour nous. Vous ne faites même pas d'effort d'intégration. Et là, je crois que vous venez de démontrer votre vrai visage. Elle m'a craché dessus. Moi, je me suis tassée. Et je lui ai répondu ceci par la suite. Je crois que derrière votre démarche au Québec, il y a énormément d'hypocrisie de votre part. Il y avait un couple de jeunes Coréens, je crois des Asiatiques, là, qui étaient en arrière de moi avec un petit bébé dans une poussette. Ils se sont mis à applaudir. Ils étaient contents de ma réponse vis-à-vis les deux dames musulmanes. Et la dame musulmane, visiblement là, très agressive, s'est avancée vers moi et m'a dit « De toute façon, madame, dans quelques années d'ici, vos enfants seront élevés selon le Coran. » Elle a répété des mots dans un dialecte que je ne connais pas. Elle a retourné le dos et elle est partie d'un pas rapide. Elle s'est retournée plus loin. Elle m'a dit « Allez chier les Québécoises » et elle m'a refait quelques doigts d'honneur. Alors moi, je ne peux pas laisser passer ça, mon cher monsieur. C'est absolument inacceptable. Parce qu'on entend souvent parler de l'autre côté. Hein. Il y a beaucoup d'anecdotes là, qui ne sont pas répertoriées de ce que les Québécoises aussi reçoivent en fait d'agressions verbales au niveau des musulmanes. Beaucoup de gens le pensent, mais personne parle. Je sais pas s'il y en a d'autres. Moi, je veux avoir les preuves. Dans le cas de Place Laurier, la dame musulmane a raconté ce qu'elle a vécu. Oui. Je l'ai cru et je l'ai dénoncé. Là, dans votre cas, moi, je vais faire exactement la même affaire. Là, vous dites, à la fin, il y en a peut-être d'autres. S'il y en a d'autres, racontez-moi-les. Je veux des témoins, mais je veux pas conclure sans avoir de preuves. Parce que c'est trop facile de dire, il y en a peut-être d'autres. Je veux pas tomber là-dedans. Est-ce que la dame âgée, finalement, comment ça s'est fini? Ça s'est fini. La dame âgée, elle est restée sur place. Moi, je l'ai pris ensuite par le bras. Elle était nerveuse, mais elle était quand même très présente d'esprit. Moi, je l'ai pris par le bras et je l'ai emmenée un petit peu plus loin, là, dans une rayon où il y avait des livres. J'ai jasé avec elle et je suis allée la reconduire là, à la sortie à la fin. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à ce genre d'événement-là? Parce que à mon point de vue, à moi, je veux pas nier qu'il y en ait, mais je pense pas que c'est la majorité. Je pense que c'est des cas isolés qu'il faut dénoncer. Je pense que Mme Marois, ça c'est mon point de vue, joue actuellement avec le feu. Et sans être elle-même raciste, je ne le prétends pas du tout, elle est en train de devenir... peut-être à son corps défendant, mais l'idole des racistes. Et c'est un jeu dangereux. C'est pourquoi ces histoires-là m'intéressent. Mais vous, dans votre cas, à vous, c'est la première fois que vous voyez ça, là. Moi, c'est la première fois que je vois là, un cas comme celui-là, parce que je lui ai participé, là, moi-même. Activement, moi, je ne suis pas du tout raciste, M. Bouchard. J'ai des amis marocains qui sont ici au Québec depuis plusieurs années, qui ont quitté le Maroc parce qu'ils avaient peur justement de la montée islamique. J'ai des amis aussi coréens, chinois. J'ai même un immeuble à Québec. Il y a des Coréens qui restent là depuis plusieurs années. On n'a jamais eu de trouble avec eux autres. Ils se sont toujours intégrés. J'ai rien contre les musulmans, mais je crois avec ce que j'ai vécu dimanche passé, puis je le répète, ce que plusieurs personnes pensent aussi, et c'est pour ça que je veux le dénoncer, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là à l'arrière de tout ça, parce que cette dame-là, de la façon qu'elle m'a répondu, oubliez pas là le propos là, que quand elle m'a dit à la fin là, de toute façon, dans quelques années d'ici, vous n'aurez plus aucune importance pour nous. Exactement. Ce sont des paroles très acerbes là. Vous avez raison, et ça c'est une radicale, ça c'est quelqu'un qui a un agenda islamiste, ça c'est le genre de personne qui va aller écouter les conférences qu'on a dénoncées ici même à Montréal de certains imams radicaux. Et moi c'est contre ça que j'aimerais que PQ, PLQ, CAQ, qu'importe, ça il faut lutter contre ça d'un bord ou de l'autre, que ça provienne d'un blanc ou d'un musulman. L'intolérance, le racisme, ces choses-là doivent être dénoncées partout. Mais ma crainte, et Mme Laflamme, on va prendre un pari ensemble ce matin, je sais que l'histoire du soleil a été reprise partout et avec raison, parce qu'il fallait la dénoncer, j'ai l'impression que votre histoire ne sera reprise nulle part. Mais peut-être, M. Bouchard, parce que les gens ont peur d'être traités de racistes. C'est ça. Et là, moi, je pense que ce matin, là, je parle pour plusieurs personnes, autant des hommes que des femmes qui ont peur de parler. Et quand j'ai raconté mon histoire, Plusieurs personnes m'ont dit, Carole, il faut absolument que tu dénonces ça. Parce qu'au Québec, ce qui s'en vient, là, c'est le reflet futur de ce qui se passe en Europe présentement. Et ça, je pense qu'il faut quand même en être conscient, là. Me faire répondre comme ça, là, probablement que elle, c'est peut-être un cas isolé, mais dites-vous qu'il y en a sûrement beaucoup d'autres en arrière qui le pensent. Ben, aussi. S'il y en a les une, paroles là... dites ici, monsieur, là, moi, je vais mettre ma main sur la Bible, là. C'est ce qui m'a été rapporté, là. Non, mais anyway, là, on a un exemple de deux. Donc, si sont deux, c'est deux de trop. C'est moi, j'ai pas besoin de savoir, mais là, c'est-tu deux qui représentent dix ou... C'est deux de trop. Comme la personne au Centre Laurier, c'est une Québécoise, c'est une de trop. C'est loin d'être partagé dans l'ensemble de la population, mais c'est inacceptable. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Madame Laflamme. Mais ça me fait plaisir, Monsieur Bouchard. Bonne Je vous journée. Souhaite une belle journée. 7h46, Carole Laflamme a vu dans le stationnement d'un magasin à grande surface, on sait c'est où, là, elle nous l'a dit là, en privé, une Québécoise. Romain, je sais que c'est un peu bizarre, là.